une nouvelle histoire. Qu'est-ce que c'est donc, mon mari, que cet équipage-là? Vous moquez-vous du monde de vous être fait un harnacher de la sorte? Et avez-vous envie qu'on se raille partout de vous? Il n'y a que des sots et des sottes, ma femme, qui se railleront de moi. Vraiment, on n'a pas attendu jusqu'à cette heure. Et il y a longtemps que vos façons de faire donnent à rire à tout le monde. Qui est donc tout ce monde-là, s'il vous plaît? Tout ce monde-là est un monde qui a raison et qui est plus sage que vous. Pour moi, je suis scandalisée de la vie que vous menez. Je ne sais plus ce que c'est que notre maison. On dirait qu'il essaie en carême prenant tous les jours. Et dès le matin, de peur d'y manquer, on y entend des vacarmes de violons et de chanteurs. Dans tout le voisinage se trouve accommodé. Madame, parle bien. Je ne saurais plus voir mon ménage propre avec cet attirail de gens que vous faites venir chez vous. Ils ont des pieds qui vont chercher de la boue dans tous les quartiers de la ville pour la porter ici. Et la pauvre Françoise est presque sur les dents à frotter les planchers que vos biomètres viennent crotter régulièrement tous les jours. Ouais, notre servante Nicole, vous avez le caquet bien affilé pour une paysanne. Hein? Nicole a raison, et son sens est meilleur que le vôtre. Je voudrais bien savoir ce que vous pensez faire d'un maître à danser à l'âge que vous avez. Et d'un grand maître tireur d'armes qui vient avec ses battements de pieds ébranler toute la maison et nous déraciner tous les carrières de notre salle. Taisez-vous, ma servante et ma femme. Est-ce que vous voulez apprendre à danser pour quand vous n'aurez plus de jambes? Est-ce que vous avez envie de tuer quelqu'un? Taisez-vous, vous dis-je. Vous êtes des ignorantes l'une et l'autre et vous ne savez pas les prérogatives de tout cela. Vous devriez plutôt songer à marier votre fille qui est en âge d'être pourvue. Je songerai à marier ma fille quand il se présentera un parti pour elle, mais je veux songer aussi à apprendre les belles choses. J'ai encore ouï dire, madame, qu'il a pris aujourd'hui pour renfort de potage un maître de philosophie. Fort bien. Je veux avoir de l'esprit et savoir raisonner des choses parmi les honnêtes gens. N'irez-vous point l'un de ces jours au collège vous faire donner le fouet à votre âge? Pourquoi non? Plût à Dieu l'avoir tout à l'heure, le fouet, devant tout le monde, et savoir ce qu'on apprend au collège. Oh oui, ma foi, cela vous rendrait la jambe bien mieux faite. Sans doute. Tout cela est fort nécessaire pour conduire votre maison. Assurément. Vous parlez toutes deux comme des bêtes. Et j'ai honte de votre ignorance. Par exemple, savez-vous, vous, ce que c'est que vous dites à cette heure? Oui, je sais que ce que je dis est fort bien dit. Et que vous devriez songer à vivre d'autre sorte. Je ne parle pas de cela. Je vous demande ce que c'est que les paroles que vous dites ici. Ce sont des paroles bien sensées, votre conduite ne l'est guère. Je ne parle pas de cela, vous dis-je. Je vous demande ce que je parle avec vous. Ce que je vous dis à cette heure, qu'est-ce que c'est? Des chansons. Et non, ce n'est pas cela. Ce que nous disons tous deux, le langage que nous parlons à cette heure... Eh bien! Comment est-ce que cela s'appelle? Cela s'appelle comme on veut l'appeler. C'est de la prose, ignorante. De la prose? Oui, de la prose. Tout ce qui est prose n'est point vers, et tout ce qui n'est point vers n'est point prose. Voilà ce que c'est d'étudier. Et toi, sais-tu bien comme il faut faire pour dire un U? Comment? Oui, qu'est-ce que tu fais quand tu dis un U? Quoi? Dis un peu U pour voir. Eh ben, U. Qu'est-ce que tu fais? Je dis U. Oui, mais quand tu dis U, qu'est-ce que tu fais? Je fais ce que vous me dites. Oh, l'étrange chose que d'avoir affaire à des bêtes. Tu allonges les lèvres en dehors et approches la mâchoire d'en haut de celle d'en bas. Vois-tu? Je fais la moue. Oui, cela est bio. Voilà qui est admirable. C'est bien autre chose si vous aviez vu O et Dada et Fa Fa. Qu'est-ce que c'est donc que tout ce galimatial-là? De quoi est-ce que tout cela guérit? J'enrage quand je vois des femmes ignorantes. Allez, vous devriez envoyer promener tous ces gens-là avec leurs fariboles. Et surtout ce grand escogriffe de maître d'armes qui remplit de poudre tout mon ménage. Oui, ce maître d'armes vous tient fort au cœur. Je te veux faire voir ton impertinence tout à l'heure. Tiens, raison démonstrative. La ligne du corps. Quand on pousse en quarte, on n'a qu'à faire cela. Et quand on pousse en tierce, on n'a qu'à faire cela. Voilà le moyen de n'être jamais tué. Et cela n'est-il pas beau d'être assuré de son fait quand on se bat contre quelqu'un? Là, pousse-moi un peu pour voir. Eh ben quoi? Tout beau! Oh là, oh! Doucement, bien que ce soit la copine! Vous me dites de pousser! Oui, mais tu me pousses en tierce avant que de pousser en quarte! Et tu n'as pas la patience que je pars! Vous êtes fou, mon mari, avec toutes vos fantaisies. Et cela vous est venu depuis que vous vous mêlez de hanter la noblesse. Lorsque je hante la noblesse, je fais paraître mon jugement, et cela est plus beau que de hanter votre bourgeoisie. Ça, mon, vraiment. Il y a fort à gagner à fréquenter vos nobles. Et vous avez bien opéré avec ce beau monsieur le comte dont vous vous êtes embéguiné. Paix, songez à ce que vous dites. Savez-vous bien, ma femme, que vous ne savez pas de qui vous parlez quand vous parlez de lui? C'est une personne d'importance plus que vous ne pensez, un seigneur que l'on considère à la cour et qui parle au roi tout comme je vous parle. N'est-ce pas une chose qui m'est tout à fait honorable que l'on voit venir chez moi si souvent une personne de cette qualité qui m'appelle son cher ami et me traite comme si j'étais son égal? Il a pour moi des bontés qu'on ne devinerait jamais. Et devant tout le monde, il me fait des caresses dont je suis moi-même confus. Oui, il a des bontés pour vous et vous fait des caresses, mais il vous emprunte votre argent. Eh bien, ne m'est-ce pas de l'honneur de prêter de l'argent à un homme de cette condition-là? Et puis-je faire moins pour un seigneur qui m'appelle son cher ami? Et ce seigneur, que fait-il pour vous? Des choses dont on serait étonné si on les savait. Et quoi? Baste, je ne puis pas m'expliquer. Il suffit que si je lui ai prêté de l'argent, il me le rendra bien et avant qu'il soit peu. Oui, attendez-vous à cela. Assurément, ne me l'a-t-il pas dit? Oui, oui, il ne manquera pas d'y faillir. Il m'a juré sa foi de gentilhomme. Chanson! Ouais, vous êtes bien obstinée, ma femme. Je vous dis qu'il me tiendra parole, j'en suis sûr. Et moi, je suis sûr que non. Et que toutes les caresses qu'il vous fait ne sont que pour vous enjôler. Taisez-vous, le voici. Il ne nous faut plus que cela. Il vient peut-être encore vous faire quelque emprunt, et il me semble que j'ai dîné quand je le vois. Taisez-vous, vous dis-je.